الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors nous sommes arrêtés la dernière fois sur le verset ومن شر النفاثات في العقد, contre les méfaits de celles qui soufflent sur les nœuds. Nafasat, c'est le pluriel. J'ai dit que le nafasat, c'est le pluriel de nafasa. Le suffixe at indique qu'il s'agit d'un pluriel féminin régulier. Jam' mu'annath, jam' mu'annath salim. Alors, nafasa signifie souffler en émettant. Nafasa, le verbe nafasa, qui est la même racine que nafasa ou nafasat. Le verbe nafasa signifie souffler en émettant une légère humidité. C'est entre snafr et tafl, entre souffler et cracher. C'est ça, nafasa, crachoter. Nafasa est un nom sujet, ism al-fa'il. C'est-à-dire que là, le verset, il parle de l'auteur du nafs. Nafasat, c'est un nom sujet. Si je veux traduire littéralement, je vais dire les souffleuses. Les souffleuses sur les nœuds. Traduire nafasat par celle qui souffle sur les nœuds n'auront pas le vrai sens de ce mot-là. En plus, nafasa, comme j'ai dit, est une forme intensive. Nafasa. La forme normale, c'est nafisa ou nafis au masculin. Au féminin, c'est nafasa. Et nafasa, c'est une forme intensive construite sur le schème fa'ala. Donc ça veut dire qu'elle pratiquait régulièrement le nafs. Qu'elle pratiquait régulièrement le nafs, nafasa, puisque c'est une forme intensive. Donc forme intensive, ça change le sens. Ça donne de l'énergie au sens. C'est-à-dire que celle-ci souffle ou pratique le nafs régulièrement. Elles font un nœud dans lequel elles mettent les traces de vêtements ou quelques cheveux ou autres traces de la personne qu'elles veulent ensorceler. Elles serrent ce nœud, puis neft crachotent dessus en prononçant des paroles magiques. Elles se servent de leur nefs, de leur âme pernicieuse. Là, nous parlons de sorcellerie, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité la sorcellerie dans cette sourate. Mais il a cité nafasat, celles qui pratiquent le nafs, c'est-à-dire les auteurs. Allah a cité les auteurs et non l'acte. Il a cité les auteurs et non l'acte lui-même. Pourquoi? Parce que la sorcellerie en soi n'a aucun effet. Allah n'a pas dit wa min sharri sihr, contre le mal de la sorcellerie, non. Il a dit contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. C'est-à-dire l'auteur de la sorcellerie. La sorcellerie en soi n'a aucun effet. L'effet de la sorcellerie dépend de son auteur, de celui qui la pratique, dépend de la nocivité de son âme et de sa mécréance, de sa disposition au mal. C'est pourquoi Allah nous a ordonné de prendre refuge en lui contre l'auteur de la sorcellerie, non pas la sorcellerie elle-même. Annafathat, c'est un pluriel régulier, féminin. Oui. Pourquoi le féminin, annafathat, au lieu de annafathin, au masculin? Pourquoi? D'habitude, qui pratique la sorcellerie? Ce sont les hommes ou les femmes? Qui pratique? Qui sont ceux qui sont connus pour leur sorcellerie? Ce sont les hommes ou les femmes les plus doués dans ce domaine? Ce sont les hommes qui pratiquent le plus souvent la sorcellerie. Ceux qui consultent les sorciers sont certes en majorité les femmes. Ceux qui recourent aux sorciers et les consultent, ce sont en majorité les femmes. Mais ceux qui pratiquent la sorcellerie, ce sont en majorité les hommes. Le verset ici, en fin de compte, ne vise pas les femmes en particulier, mais il désigne les âmes pernicieuses elles-mêmes, Peu importe s'il s'agit d'âmes de sorciers ou de sorcières. Donc, Nefathat ne renvoie pas aux femmes, mais elle renvoie aux âmes, an-nufus. Parce que ça vient, parce que le sorcier ou la sorcière qui fait le neft, qui insuffle sur les nœuds, c'est son âme finalement pernicieuse qui agit sur les nœuds, qui agit sur l'ensorcelé. Donc, peu importe qu'il s'agisse d'âme de sorcier ou d'âme de sorcière, bon, le verset vise les âmes en général. Pourquoi l'emploi du pluriel nafathat au lieu du singulier nafatha? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qul a'udhu wa min sharri nafathati fil 'uqad au lieu de wa min sharri nafathati fil 'uqad? Nafathat, c'est le pluriel féminin, et nafatha, c'est le singulier féminin. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas employé le singulier? Pour montrer qu'elles sont nombreuses. On ne prend pas refuge en Allah contre un ou deux sorciers, mais contre une armée de sorciers. Ce verset prouve aussi qu'il ne faut pas avoir peur de leur grand nombre. Du moment qu'on recourt à Allah subhanahu wa ta'ala et on cherche refuge auprès de lui, il ne faut pas avoir de leur grand nombre. Ils ne peuvent nuire que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé que nous nous mettions au lit de faire le nafs sur les paumes de nos mains jointes et de réciter cette sourate avec la sourate qui la précède, sourate Ikhlas, et la sourate qui la suit, la sourate Nas. N'est-ce pas? La sourate suivante. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On passe nos deux mains sur notre visage et sur notre corps. Ce neft bénéfique, puisqu'on fait le neft, en lisant قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, on fait le neft. Mais ce neft bénéfique, qu'est-ce qu'il fait? Il agit contre le neft maléfique des mauvais esprits ou des sorciers. D'où l'effet du neft. Et Ibn al-Qayyim, il détaille ce genre de choses. Donc, voilà. Ça, c'est concernant le verset « وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ » Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ » Et contre les méfaits de l'envieux, lorsqu'il exerce son envie, nous avons l'isti'ada contre le mal en général, n'est-ce pas? Au début de la sourate, je prends refuge en Allah, en le Seigneur du Falaq, contre les méfaits de ce qu'il a créé. Là, le mal est général. Le début de la sourate. Le mal est général. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout ce qu'Allah a créé comporte un mal. Il ne s'agit pas de généralité absolue, mais de généralité restreinte. Puisque le paradis est une création d'Allah et ne comporte aucun mal. Les anges, les prophètes aussi. Ça, c'est le premier verset. Le mal en général. On prend refuge en Allah contre le mal en général. Le troisième verset parle du moment du mal, c'est-à-dire au cœur de la nuit. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Il parle du moment. Le moment du mal. C'est zarf, le moment du mal. Ça, c'est le troisième verset. Le quatrième verset, il parle d'un acte qui conduit à la multiplication du mal, à savoir la sorcellerie. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Donc, le deuxième verset, il parle du mal en général. Le troisième, il parle du moment du mal, à savoir la nuit, quand elle s'épaissit. Et le quatrième verset, il parle d'un acte qui conduit à la multiplication du mal, à savoir la sorcellerie. Le cinquième verset, il parle d'un comportement qui entraîne le mal, à savoir l'envie, al-hasad. Pourquoi le mal de l'envieux est mis à la fin de cette sourate? Parce que c'est un grand mal. Prenons le cas de la nuit quand elle s'obscurcit, quand elle s'épaissit. Ce n'est pas seulement parce que tu te trouves seul dehors la nuit que tu vas être forcément agressé par les voleurs ou par des bandes ou par je ne sais pas, je sais quoi. En ce qui concerne la sorcellerie, ceux qui pratiquent la magie noire qui nuit aux gens sont combattus dans les sociétés. Leur nombre est limité. Est limité. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quelle sorcellerie qui nuit qui nuit, qui est nuisible. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de sorcellerie. Il a dit nafasati fil 'uqad. Il a attiré notre attention vers la forme la plus nuisible de la sorcellerie, à savoir celle qui consiste à souffler sur le nœud dans lequel on met les traces de la personne visée. Il y a d'autres formes de sorcellerie qui n'est pas nuisible, mais toute la sorcellerie est interdite et c'est un acte de mécréance. En ce qui concerne la sorcellerie, je dis que ceux qui pratiquent la magie noire, qui nuisent aux gens, sont combattus dans les sociétés. Leur nombre est limité. Quant à l'envie et la jalousie, le hasad, il n'y a pas de personne sans qu'elle ait une prédisposition à l'envie. C'est d'ailleurs pourquoi le professeur Salam nous a recommandé, quand nous voyons quelque chose qui nous plaît, de demander la bénédiction sur cette chose-là. L'envie est très fréquente et ses effets néfastes sont très fréquents. L'envieux peut nuire à sa victime, soit directement en s'en prenant à sa personne, à sa famille, à ses biens, en le calomniant et par d'autres moyens, soit par le mauvais œil. Et le mauvais œil est une réalité. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement tout individu doué du mauvais œil est quelqu'un d'envieux. Mais tout individu envieux n'est pas forcément doué du mauvais œil. C'est pourquoi il faut que le musulman se prémunisse et s'arme contre le mauvais œil et le mal de l'envieux. Comment cela? L'assiduité aux cinq prières obligatoires. Le zikr du matin, le zikr du soir, le zikr avant de dormir, quand on entre dans la maison, quand on en sort, quand on entre dans le marché, quand on entre, etc. Il faut faire les azkar, les zikrs relatifs quand on veut manger, etc. Et les invocations, tout ça, ce sont des armes. Et les actes salutaires aussi sont des remparts de la foi qui protège le croyant des méfaits de l'envieux et du mauvais œil. L'arrestation des deux sourates, par exemple, c'est de ces sourates le Mu'awwidhatayn aussi. C'est une protection. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa min sharri hasidin idha hasad. Puisque tout le monde a une disposition à l'envie, Allah subhanahu wa ta'ala a restreint l'envie contre laquelle on demande refuge, contre laquelle on fait l'isti'aza, à une seule situation. C'est le cas où l'envieux manifeste son envie et passe à l'acte. Agression, calomnie, mauvais œil, complot, etc. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min sharri hasidin idha hasad, contre le mal de l'envieux quand il exerce son envie, quand il manifeste sa jalousie, son hasad. Donc le verset exclut ceux qui refoulent ce hasad-là, qui refoulent l'envie, qui refoulent la jalousie, ne la traduisent pas par des actes. Hasid, ou min sharri hasid. Hasid est un nom-sujet. Il est construit sur le shem fa'il. Et fa'il est une forme employée. Fa'il hasid est une forme pour. Employé pour désigner quelqu'un qui a fait l'acte ne serait-ce qu'une seule fois. Hasid s'applique à celui qui a envié une seule fois ou deux fois. Ouais. S'il est enclin à l'envie, c'est quelqu'un qui est enclin à l'envie, qui envie les gens tout le temps. On emploie ce nom sous une forme intensive. On ne dit pas hasid, mais on dit hassad ou hasoud. Hassad ou hasoud, ça c'est une forme intensive du nom. C'est quelqu'un chez qui prédomine l'envie. Pourquoi le verset a employé le nom Hasid et non pas ce nom sous sa forme intensive, non pas Hasoud ou Hassad? Parce qu'en se protégeant contre le Hasid, qui n'envie qu'une seule fois ou deux fois, on se protège aussi contre celui qui est enclin à l'envie. On se protège aussi contre celui qui est enclin Ah, l'envie. Par contre, si c'était comme ça, si c'était le fait, on nous demande refuge au Allah subhanahu wa ta'ala, que contre le hasad, celui qui est enclin à l'envie, on va exclure ceux qui ont envie une ou deux fois. Mais là, c'est une prévention, c'est-à-dire on prévient le hasad qui est plus grand, c'est-à-dire on se prémunit contre l'envie qui est la moins forte, la moins puissante, la moins dangereuse, la moins redoutable. On se prémunit contre l'envieux qui n'a envié qu'une seule fois pour se prémunir à plus forte raison contre celui qui envie plusieurs fois. Donc on se prémunit contre la forme la moins nocive. On se prémunit aussi contre la forme la plus nocive. Quand il dit je prends refuge en Allah contre le hasid, quand il exerce son envie, a fortiori, tu prends refuge contre le hasoud, qui est pire encore. Remarquez avec moi que rasiq, la nuit, a été employé sans l'article défini elle, et aussi hasid. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. Il n'y a pas الغاسق, c'est غاسق sans l'article ال. Et à la fin, من شر حاسد إذا حسد, et non pas من شر الحاسد. Il n'est pas défini, حاسد n'est pas défini par l'article ال. Hasid est sous forme indéterminée comme la nuit. Et il a été cité sous forme indéterminée. Tandis que nafatat, elle est précédée par l'article. Elle est préfixée par l'article al. On dit an-nafitat, ou min shar an-nafathat, ou min shar an-nafathat. Il y a le al avant nafathat. Il est défini. La raison est que toute personne qui souffle sur les nœuds comporte un mal. Parce que le al désigne la généralité, l'istighraq. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité avec l'article L, parce que toute personne qui souffle sur les nœuds comporte un mal, c'est-à-dire qu'elle est nuisible. Et toute personne qui recourt à ce genre d'office est nuisible, ce qui n'est pas le cas de l'envie ou de la nuit. Ce n'est pas forcément qu'on envie quelqu'un qu'on va lui nuire, et ce n'est pas toutes les nuits qu'il y a des agressions, mais généralement. Et remarquez avec moi que tous ces mots ont un point commun. Quel est le point commun entre tous ces mots-là? C'est le khafa, la subtilité. Et aussi la volonté de nuire. La volonté de nuire. Or, un mal subtil est plus grave qu'un mal manifeste auquel on s'attend. La nuit, tu ne sais pas qui va t'attaquer d'avance, tu ne le vois pas. La sorcellerie, tu tombes victime d'un acte de sorcellerie sans que sans en connaître l'origine ou les raisons. L'envie, c'est pareil. Et remarquez aussi que ces mots ont une relation avec la nuit, l'obscurité intense de la nuit. Les sorciers, les voleurs et les brigands travaillent la nuit. Les sorciers travaillent surtout la nuit. L'envieux, le hasid, les démons l'aident et lui suggèrent de nuire à la personne enviée, il incite au mal. Or, le falak a pour sens l'éclat de l'aube. قل أعوذ برب الفلق. Donc, l'éclat de l'aube, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse tout cela, d'où l'ordre de recourir au Seigneur du falak. Pourquoi l'emploi de Ida et pas In? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ida hasad, il n'a pas employé l'article In hasad, la condition In au lieu de Ida. Ida et In, ils introduisent tous les deux une condition. Ida sert aussi d'adverbe de temps. Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate a employé l'adverbe. La condition Iza hasad Iza, parce que Iza s'emploie en ce qui concerne un événement qui va sûrement se produire. Suivez bien. Iza s'emploie en ce qui concerne un événement qui va sûrement se produire ou qui se produit fréquemment. Ou qui se produit fréquemment. In s'emploie. In, c'est comme la condition si, hein. Il s'emploie pour un événement qui peut se produire comme il ne peut pas se produire, ou un événement qui se produit rarement, ou un événement qu'il est impossible qu'il se produise. Exemple pour Ida, je vais donner des exemples. Ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانتشروا في الأرض. Il dit, quand la prière a été accomplie, répandez-vous sur terre. Répandez-vous sur terre. Quand la prière a été accomplie, Isa, la prière a été accomplie, dispersez-vous, répandez-vous sur terre. Isa, ici, il y a l'emploi du Isa, car la prière va sûrement être achevée. C'est bon? C'est un événement qui va sûrement se produire. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Isa hadar ahadakum al-maut. Isa hadar ahadakum al-maut. Isa, la mort se présente à l'un de vous. Ou lorsque la mort se présente à l'un de vous, on peut traduire par lorsque, ou la con. Isa, ici, qu'on peut traduire par con, là, la mort est quelque chose qui va sûrement arriver. Tout le monde va mourir. Donc, Isa, on s'en sert quand il s'agit d'un événement qui va sûrement se produire ou se produit plus fréquemment. Un autre exemple. Wa Isa huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surat Nisa. Isa, on vous adresse une salutation. Répondez par une salutation meilleure ou bien rendez la pareille. Rendez cette même salutation. Isa vous adresse. Lorsqu'on vous adresse. Donc là, les salutations, c'est une pratique fréquente. C'est un événement qui va se produire. Là, passons maintenant à l'emploi de « in ». « In ». « In », Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya' afala tasma'un. Dans sourate Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'en pensez-vous? In Allah vous avait prolongé dans une nuit permanente jusqu'au jour de la résurrection, quel dieu autre qu'Allah vous apporterait de la clarté? In, Allah dit, qul ara'aytum, dit, qu'en pensez-vous? In ja'alallahu, si Allah vous avait plongé dans une nuit permanente jusqu'au jour de la résurrection, quel dieu autre qu'Allah vous apporterait de la clarté? Si Allah vous avait plongé dans une nuit permanente. Là, c'est quelque chose qui est inattendu, c'est une supposition, d'où l'emploi de in au lieu de iza. Là, il n'est pas pertinent de mettre Ida à la place de in. Parce que in, là, c'est un événement. Il s'agit d'un événement, c'est une supposition, un événement qui ne se produit pas. C'est une supposition. Dans un autre verset, Allah il dit, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Si deux parties d'entre les croyants se combattent, réconciliez-les. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas employé Ida. Ida, il a employé in. In, c'est une supposition parce qu'en principe, cela ne devrait pas se produire. Les musulmans ne doivent pas s'entretuer. Allah dit, si deux parties d'entre les croyants se combattent, mais c'est un événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'il se produise. Et d'où l'emploi de in. D'où l'emploi de in. Là, je vais citer un verset où il y a les deux. Allah, il dit, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. Il vous est prescrit, إذا la mort se présente à l'un de vous. Donc, كتب عليكم إذا, là il y a l'emploi de إذا. Il vous est prescrit, إذا, lorsque la mort se présente à l'un de vous. Là, c'est un événement qui va sûrement se produire, puisque nous sommes puisque nous mourrons forcément un jour, n'est-ce pas? Mais la suite, il dit, au lieu d'employer Ida, il dit in. Il dit in taraka khayran il wasiya. La suite, s'il laisse un bien de faire un testament. In, il n'a pas employé Ida. Là, il emploie in. Kutiba alaykum Ida hadar ahadakum al-maut. Il vous est prescrit Ida lorsque la mort se produit à l'un de vous. Et puis la suite du verset. In taraka khayran al-wasiya, in s'il laisse un bien de faire un testament. Pourquoi? Parce qu'il peut, il se peut qu'il laisse un bien, comme il se peut qu'il ne laisse rien. Donc c'est une supposition et c'est un événement qui peut-être ne se produira pas. Donc là, il convient d'employer le in. De même dans le verset du Wudu, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Il a dit idha qumtum, lorsque vous vous levez pour faire la prière, bah alors lavez vos visages, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, et vos mains jusqu'au coude, etc. Les versets qui se trouvent dans Surat al-Ma'ida sur le Wudu. Iza komtum, parce que sûrement vous allez vous lever pour faire la prière. C'est quelque chose qui est hors, c'est une prescription divine. C'est un ordre de prier. Mais la suite de dans ce même verset, Allah il dit wa in kuntum junuban fattaharu. Il dit si vous êtes en état de janaba, de souillure majeure, alors purifiez-vous. Wa in kuntum marda, si vous êtes malade, parce que l'état de souillure majeure et la maladie, ce ne sont pas des choses fréquentes. Par contre, idha qumtum ila salat, là, il faut prier fréquemment. C'est ça la différence entre idha et in. C'est ça l'emploi éloquent de idha dans cette sourate-là. Idha hasad, parce que fréquemment, et sûrement, le hasid, il exerce son hasad. Voilà en ce qui concerne cette sourate. La prochaine fois, inshallah, nous citerons certaines perles d'éloquence que recèle la sourate An-Nas, les hommes, et nous parlerons des liens qui existent entre cette sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, comme nous parlerons aussi de la relation entre la sourate An-Nas, les hommes, et la sourate Al-Fatiha, entre la première sourate du Coran et la dernière sourate du Coran. Bon. Nous avons terminé. Qu'Allah vous aide. Inch'Allah, vous avez profité de ce charh. Subhanakallahum bihamdik. Shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.